je peux me résigner quand je vois déjà que le bénéfice ne sera jamais de mon côté. C'est ça la vraie magie. C'est pour mieux gagner la vie. Tiens en tête, oh nana. En amour, la chose est différente. On n'arrivera jamais à fabriquer la machine à calculer les amours. C'est ça le mystère de l'amour. En amour, il n'y a pas de calcul. C'est pas la peine, oh nana. En amour, il n'y a pas de prévision. On n'arrivera jamais à programmer les sentiments des amours dans les robots. L'amour est chose des humains. Fais-moi confiance, ça suffit. C'est pour mieux gagner des sous. Tiens en tête, oh nana. En amour, la chose est différente. On n'arrivera jamais à fabriquer la machine à calculer les amours. C'est ça le mystère de l'amour. En amour, il n'y a pas de calcul. En amour, il n'y a pas de prévision. On n'arrivera jamais à programmer les sentiments des amours dans les robots. L'amour est chose des humains. Fais-moi confiance, ça suffit. Fais pas des soucis. Oh nana, tu es ma petite chérie. Le vrai amour est spontané, sans contrainte. Ne me fais pas trop d'exigences, car je t'aime. En amour, y a pas de calcul. Fais-moi confiance, tout ira. Pas de soucis. Oh nana, tu es ma petite chérie au Cameroun. Le vrai amour est spontané, sans contrainte. Ne me fais pas trop d'exigences, car je t'aime. En amour, il n'y a pas de calcul. Fais-moi confiance, tout ira. Thank you. pas de soucis. On en a qui est ma petite chérie. Show, on aime le...